Vivacité, ma radio complicité. Vivacité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour, bonjour. Je suis vraiment très heureuse de reprendre la vie du bon côté en ce lundi. Bon, j'ai continué à la prendre quand même pendant l'été, je vous rassure. J'étais juste un peu décalée au niveau des horaires puisque j'animais l'émission juste après, l'émission Vivre ici avec toute une troupe de joyeux collègues. On s'est bien amusé. Ça, c'est vrai qu'on s'est bien amusé entre 15h et 17h. Ça m'a permis de prendre un petit peu de recul. Ou si peu de recul, parce que je baigne quand même toujours un peu beaucoup dans le monde du coaching avec beaucoup de mes invités qui sont vraiment devenus des amis et que je vois régulièrement, émission ou pas émission. Et puis ça m'a permis aussi d'envisager une rentrée avec plein de projets, avec plein de nouveautés. Donc déjà, un nouveau générique. Eh ben oui, va falloir vous y faire. J'espère quand même que cette première écoute vous accroche. C'est punch, mais c'est un souhait. Et puis les projets, les nouveautés, je vous en parlerai évidemment en long et en large au fur et à mesure. Je vais pas tout vous balancer comme ça en vrac. Je vais quand même prendre mon temps pour tout vous décortiquer. Je voudrais quand même vous annoncer qu'il y aura deux grandes journées, soirées, coaching, conférences à Liège et Mons. Voilà, au profit de Cap 48. Ça, on en parlera dès demain. On prépare la croisière, la vie du bon côté 2017 dans la vallée du Douro au Portugal. Et on termine de prendre les inscriptions, maintenant encore, pour notre week-end en baie de Somme. Les 14, 15 et 16 octobre, avec les coachs qui ont participé à notre croisière l'année dernière, il y a quelques mois, la saison dernière, on va dire, pour permettre à ceux et celles qui veulent voyager moins loin et moins longtemps de pouvoir prendre part à un voyage la vie du bon côté. Voilà, je vous en parlerai en cours d'émission, mais si vous souhaitez des renseignements pour la baie de Somme, vous appelez pendant l'émission, vous donnez votre nom à Anne-Françoise qui prendra vos appels, ou vous nous envoyez un email à la vie du bon côté, en un mot, sans accent, tout collé, @rtbf.be, et on vous enverra tous les renseignements. Voilà, on recommence avec un premier thème. C'est parti, donc, comme Manu Delporte vous l'a dit, un conte pour enfants. Figurez-vous, pendant l'été, j'ai reçu ce beau livre. Ah, il est beau, hein, il est beau, il est grand en plus, il est grand. Ce conte bouddhiste pour enfants écrit et illustré par vous, Barbara Dow. Mon corps est un palais. Alors pourquoi ce conte pour enfants? Donc ça, vous nous en parlerez bien sûr, parce que vous dites, Barbara, que depuis l'implantation du bouddhisme dans nos pays, de nombreux livres ont fait leur apparition, mais ils sont presque tous destinés aux adultes. Et très peu de choses ont été jusqu'ici proposées aux enfants. Alors loin de nous l'idée de faire de la propagande aujourd'hui, de faire de nos enfants aujourd'hui aussi des bouddhistes, hein. Ça c'est libre cours à chacun de nos auditeurs. Vous avez l'habitude de raconter des histoires depuis longtemps, vous, Barbara? Oui, beaucoup. Je suis animatrice pour enfants depuis que j'ai commencé ma carrière au conservatoire, en fait. J'ai tout de suite donné cours aux enfants et j'ai toujours adoré le théâtre jeune public. D'accord. Donc, et donc vous vous êtes dit, en tant que bouddhiste, en tant que maman, il va falloir que je m'attelle à la tâche parce qu'il n'y a rien sur le marché qui existe pour eux. Mais oui, en fait, il y avait quelques vies du Bouddha, il y avait ce qu'on appelle les Jataka, les anciennes vies du Bouddha, ou des petits contes, on va dire zen ou tibétain, ou vraiment des contes, on va dire, folkloriques. Oui, mais pas vraiment une histoire pour faire prendre conscience que notre corps est un palais, que leur corps est un palais. Tout à fait. Et c'est tellement important, surtout aujourd'hui. Ça, c'est sûr. surtout aujourd'hui. Et donc, avant la rentrée scolaire, parce qu'on a encore envie de leur faire profiter de bons moments, on va vous mettre cette lecture entre les mains, chers auditeurs. Venez à nous pour nous dire comment vous avez l'habitude de raconter à vos enfants que leur corps, il faut vraiment en prendre soin, que leur corps, leur cœur sont des trésors, sont des palais. La façon, en effet, dont vous abordez le sujet avec eux. Quelle belle lecture vous avez fait à vos enfants cet été par rapport à ça. Parce que je sais qu'Émilie de Kegel, que je remercie évidemment pour vous avoir accompagné tout l'été, on a parlé déjà aussi à toutes ces lectures. Mais il y en a tellement que deux émissions, ce sera même pas suffisant. Comment leur apprendre l'importance de notre cœur, de notre corps? C'est parti! 070 23 33 23, SMS 30 63. Et encore une fois, si vous souhaitez des renseignements vis-à-vis de notre voyage à baie de Somme, on aura l'occasion d'en reparler. Vous pouvez venir aussi à nous. On vous enverra tout ça. Allez, jusqu'à 15h, on reprend les bonnes habitudes. En ce 22 août, il y a du soleil. C'était même pas prévu, ça. C'est du tout bon. C'est parti. La vie du bon côté. Soleil, c'est le 22 août. Il y a une bonne musique encore pour commencer l'émission. Moi, je suis contente d'être là. Voilà. Barbara aussi, jusqu'à présent, oui. Ça va. Vous n'avez pas parlé beaucoup, hein. Pas ça encore. Va seulement commencer, hein. Voilà. Mon corps est un palais. C'est son livre à elle, aux éditions L'Arbre à Plume. Prune, c'est bien aussi, mais. Il peut y avoir des prunes aussi sur l'arbre à plume. L'Arbre à Plume, premier livre de philosophie bouddhiste pour enfants et adultes qui ont gardé leur cœur d'enfant, un conte au-delà des traditions et des religions à partager sans compter. On ne va pas faire encore une fois de la propagande, mais je vous demanderai tout à l'heure, justement, c'est quoi être bouddhiste aujourd'hui puisque vous l'êtes. Et c'est vrai que vous avez le soutien de l'Union bouddhique belge. Tout à fait. Et dans quelques jours, c'est quand même le Dalai Lama qui vient jusqu'à nous. Tout à fait, oui. Oui. Et on sera toutes les deux dans la salle. On se l'est dit, on a acheté nos places très très vite. Oui, ça veut dire quoi que l'Union bouddhique, elle a lu, elle se compte, elle a vu L'Union bouddhiste, donc, qui regroupe l'ensemble des traditions bouddhistes en Belgique. En fait, j'avais fait mes études au sein de l'Union bouddhiste, ah oui, comme pour être professeur de bouddhisme dans les écoles, dans l'espoir que le bouddhisme soit reconnu comme une philosophie officielle. Donc, ce processus est toujours en cours. Et néanmoins, dans ce processus, c'est à ce moment-là qu'on a remarqué qu'il n'y avait aucun livre francophone sur le sujet pour enfants, en tout cas. Que beaucoup de choses avaient été écrites pour les adultes, mais aucune pour les enfants, sur la philosophie même. C'est ça, sur la philosophie même. Mais on va demander quand même à nos auditeurs de nous dire s'ils ont déjà approché peut-être un livre écrit par quelqu'un ailleurs, dans un autre pays, voilà, ou un vieux livre peut-être qui existerait sur la chose. Le 070 ne fonctionne pas. Il est toujours en vacances, me dit-on, donc pas de 070, vous ne pouvez pas prendre votre téléphone, donc il y a juste le SMS ou le mail, la vie du bon côté en un mot à rtbf.be, la page Facebook bien entendu, et puis écoutez aussi avec attention cette émission de toute façon, si vous ne souhaitez pas spécialement intervenir, mais si vous le souhaitez, faites-le. Ce sera dans quelques instants qu'on vous présentera vraiment ce livre, page par page, à tout de suite. Un PC très lent, ça rend très vite fou. Profitez donc vite de nos super deals sur le plus grand assortiment de PC portables, de convertibles, de tours, de tablettes et plus encore. Et c'est uniquement maintenant jusqu'au 30 août inclus dans nos magasins et sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, j'en suis pas fou. Le Festival Musical du Hainaut. 16 concerts à Mons, Tournée, La Louvière, Soigny et Charleroi, avec entre autres Abdelrahman El Bacha, l'ensemble Kéops, Franck Bralet et Renaud Capuçon. Une invitation au voyage de l'Iran au Japon, de Venise à Istanbul, dans le cadre du Festival de Wallonie du 3 septembre au 22 octobre. Info, festivaldewallonie.be. Avec Vivacité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Barbara Doe, elle est belge, elle est comédienne, conteuse, metteur en scène, auteure, illustratrice, maman de 4 enfants et bien sûr bouddhiste. Donc, c'est toujours, quand vous dites c'est toujours en cours, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me parle en effet d'une formation qu'elle a suivie. Donc c'est quoi exactement cette formation que vous suivez? Je fais beaucoup de formations. Mais par rapport à l'union bouddhiste, oui. Je l'ai finie. Celle est finie. Celle-là est terminée, oui. En fait, c'était un graduat en philosophie et éthique bouddhique pour pouvoir enseigner le bouddhisme dans les écoles. D'accord. Voilà. Mais quand vous étiez toujours en cours, qu'est-ce que vous m'avez dit alors il y a quelques instants ? J'ai mal compris. Oui. Oui, d'accord. Vous parlez d'autre chose. Alors j'ai raccroché. Tout à fait. Ce qui était en cours, en fait, c'est la reconnaissance du bouddhisme. D'accord. Voilà. Okay. C'est pas encore reconnu officiellement. Donc, les démarches sont en cours. Mais voilà, ça traîne. Les dérogations traînent encore pour pouvoir passer tout à fait. Bon. Ce livre, vous dites, il est venu à moi. J'ai pas voulu l'écrire. Enfin, en tout cas, je me suis pas mis sur une table en train de chercher peut-être. Comment est-ce que vous avez quand même commencé ? C'était quoi la finalité ? C'était quoi ? En fait, au départ, j'avais mes propres enfants qui me posaient des questions. J'avais envie de communiquer ce que moi je vivais et qui me paraissait vraiment important, au-delà d'une tradition, au-delà d'un cours sur le bouddhisme, quelque part. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui vous semble important ? Pour moi, ce qui est le plus important et peut-être le message principal de ce livre, c'est de dire à chacun et à chacune combien il ou elle est merveilleuse et qu'en elle, il a tous les possibles, qu'il peut tout faire, qu'il peut tout tenter et qu'il suffit juste d'y croire, d'ouvrir la porte de son propre cœur, de son enfant intérieur, de le prendre dans les bras et puis de se dire que la vie est vraiment belle parce que si on ouvre vraiment les yeux sur ce qui nous entoure, on est entouré de choses magnifiques. Et à l'heure actuelle, dans l'époque actuelle dans laquelle nous vivons, où on est entouré de pessimisme avec les attentats, les mauvaises nouvelles, ça pleut tous les jours, avoir un peu de baume au cœur et de se dire que voilà, de se nourrir de quelque chose de positif pour pouvoir avancer vraiment vers une autre direction, parce que je pense que le potentiel de l'être humain est illimité. Voilà, et qu'on a en nous un potentiel illimité. Et il faut donc leur inculquer tout petit. Tout à fait. Dès le plus jeune âge. Tout à fait. Tout à fait, parce que très vite, les enfants, parfois, on leur met la barre très, très haut. Mmh. Et des fois, ils se découragent très vite par les résultats scolaires, que ça soit le sport, que ça soit la musique. On leur met énormément d'activités. Mmh. Et souvent, on leur demande le meilleur. On est dans une société où on veut le meilleur pour nos enfants. Alors, c'est tout à fait légitime de vouloir le meilleur pour nos enfants, bien sûr. Mais on en oublie que quelque part l'imperfection, si je peux mettre des guillemets autour de l'imperfection, c'est déjà la perfection. Et quand on regarde un arbre, quand on regarde une fleur, si on regarde les feuilles d'un arbre, elles sont jamais parfaites. Elles sont toujours avec des petits défauts. Et qui pourrait dire qu'un arbre n'est pas parfait ? Vous savez quoi ? Je vais vous prendre la main, on va aller se balader. J'ai pas envie d'être ici. J'ai encore envie d'être un peu en congé. Le 22 août, on va aller se balader. Vous allez me parler de l'importance de tout ça, parce que j'en suis évidemment très consciente. Dans quelques instants, on aura des personnes qui ont lu votre livre ou qui ont des choses à dire sur la façon dont on doit communiquer en effet tout ça aux enfants. 3063, puisque le 070 fonctionne pas. 3063, via la page Facebook ou par mail, la vie du bancoté, en un mot, @rtbf.be, si vous êtes virtuellement branché cet après-midi. Batteni amore, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato sei contento. Batteni amore, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di no, i treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo, mare caro vedrai, ci chiederemo come mai, il mondo sa tutto di noi, magari. Sorridente truffatore, battene un po', che pace più non avrò, ne avrai, vattene o saranno guai. E piccoli incidenti, caro, vedrai la stellare guerra che ne verrà. Il nostro amore sarà lì, tremante e brillante così. Ancora ti chiamerò, rotolina amorosa, tu, tu, ta, ta, ta. E il tuo nome sarà il freddo e l'oscurità, un gattone arruffato che mi graffierà. Il tuo amore sarà un mese di siccità, e il cielo non c'è, pioggia fresca per me, io col naso in su, la testa ci perderò, sempre là, sempre tu. Ancora un altro po', e poi ancora non lo so. Ancora ti chiamerò, rotolina amorosa, e tu, tu, ta, ta, ta. Che il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà. Il tuo nome sarà sul cartello che fa della pubblicità, sulla strada per me, io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po', e poi ancora non lo so. La douce et belle chanson italienne sur Vivacité dans la vie du bon côté. Mietta Amedeo Minghi. Mon corps est un palais. C'est donc le conte bouddhiste pour enfants qu'on vous propose, qu'on vous présente aujourd'hui. Un conte basé sur les 9 consciences. Une recherche de son trésor intérieur. Et ce conte vous invite vraiment à faire l'expérience de vous voir comme un prince ou une princesse. Et de faire prendre conscience à nos enfants que nous portons tous en nous cette petite graine d'éveil sous la forme de notre nature de Bouddha. Je pense qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment élargir en effet à toute philosophie, aussi bonne soit-elle, et quand elle va dans ce sens-là, bien entendu, faire prendre conscience de notre unicité, de notre importance, de notre utilité au bien-être aussi de ce monde, on l'oublie très souvent. Avec Barbara Doe, notre complice du jour, elle est auteure de ce livre. 3063, si vous souhaitez intervenir, si vous avez déjà peut-être envisagé de faire des lectures comme celle-là là à vos enfants. Venez nous dire ce qui fonctionne moins bien, quels sont les mots qui font mouche, qui font impact, quelles sont peut-être les grandes questions que se posent les enfants, et comment peut-être aussi, si vous avez des questions à poser, parce que je pense qu'elle a tellement l'habitude de raconter ses belles histoires et ses belles choses aux enfants, comment peut-être, quelles sont peut-être les choses les plus difficiles pour vous quand vous voulez vraiment aborder ce genre de théorie du bonheur avec vos enfants. 3063 ou via le mail, la vie du bon côté en un mot, @rtbf.be. Vivacité, la ville de Soigny et son centre culturel présente le multifestival gratuit Haut en éclat. Samedi 27 dès 11h à Soigny, concerts, arts forains, marché du monde et village des enfants. Plus de 20 spectacles, Ulysse, Grand Georges, Charcot, Nicolas Testa. Info 067 347 428. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Tirer, pointer, tout ça c'est dépassé maintenant. C'est viser qui importe et atteindre le bon endroit. Regardez, ce ravier de fraise, le ravier en plastique. Main droite ferme, œil plissé, je vise et hop ! Directement dans la poubelle des déchets non recyclables. Devenez champion du tri. Visez la poubelle des déchets non recyclables pour les raviers en plastique ou en frigolite. Plus d'infos sur icdi.be. Un message de Faust Plus et de votre intercommunal ICDI. Bah Marcel, t'es complètement fadin. La barquette de viande en frigolite, c'est pas pour le sac bleu PMC enfin. Vivacité. La vie du bon côté sur Vivacité. Bon, Ce conte philosophiste bouddhiste, il n'est pas très long à lire. Hein. Ben non, pour une histoire, pour des enfants, c'est à partir de 8 ans. Pensez qu'à partir de 8 ans, c'est accessible? À partir de 7 ou 8 ans, il y a moyen de le lire et d'avoir le second degré. On peut le lire avant. Moi, j'ai des très très très jeunes lecteurs qui l'ont lu et qui ont vraiment apprécié l'histoire. Maintenant, ils lisaient l'histoire au premier degré. Ce soir avec mon fils de 6 ans. Parce qu'il me l'a demandé. Il a vu sur mon bureau, il me dit « Maman, c'est beau, ça c'est quoi ?»« Ah, ça c'est un livre que je vais présenter à la radio. » Tu sais, maman, elle fait de la radio, oui. Hein. Et maman, elle va parler de ça. « Mais c'est pour moi ça, il dit, c'est un livre pour enfants. » Je dis « Oui. » Tout à fait. Donc ce soir, je te raconterai l'histoire. Tout à fait. Donc, comme je l'ai d'abord conté de façon orale avant de l'avoir écrit, je l'ai donc conté à des enfants de tous âges, y compris des très jeunes enfants. Alors évidemment, on va dire à partir de 4-5 ans, bah, ils voient l'histoire, il était une fois une belle reine, un prince et le vieux sage. Donc tout ça, ils comprennent très bien. Mais c'est-à-dire que le second degré et la métaphore des consciences est évidemment plus difficile. Le mot conscience est difficile. Hein. Quand vous parlez de neuf consciences, ça alors, là-dessus, j'ai, ouais. c'est effectivement le terme bouddhiste pour expliquer les différents états de notre esprit, en fait. Mm. C'est l'intérieur de nous-mêmes. Et on peut évidemment parler des cinq sens, du mental, de nos pensées, et puis de notre inconscient quelque part, de notre. Alors en bouddhisme on dit karma, mais on peut vraiment utiliser vraiment tout à fait un autre mot. Ça. On peut dire notre inconscient aussi bien personnel que collectif, que familial, qui va s'engranger toutes nos expériences, toutes nos expériences présentes, mais aussi passées et celles aussi de nos parents, de nos grands-parents, ça, et ça, même de la Voilà, c'est les petites graines qui vont un jour germer. Ça, c'est bien quand vous racontez ça par rapport à ça. Je vais demander à un papa, tiens, Laurent, qui a raconté l'histoire à ses enfants, comment ça a été perçu. Bonjour Laurent, bienvenue. Bonjour Sylvie. Quel âge des enfants? Les enfants ont 8 ans, bientôt 9 ans, septembre. Ouais. Et ils ont eu droit à l'histoire hier, avant-hier? Non, un peu avant quand même, parce que je connais Barbara. Mm-hmm. Et je n'ai pas manqué de voir l'apparition de son livre sur Facebook. Et voilà, et donc c'était quelque chose que j'attendais. En fait, bon, vous parliez de comment donner conscience à l'enfant, le respect de son corps et des choses comme ça. En fait, moi, la manière dont j'ai mis ça un petit peu en place, c'est par le sport. Bon, je fais beaucoup de sport, ils m'ont toujours vu faire du sport et c'était quelque part une manière d'être avec papa. Or, avec le sport, quand on fait du jogging, pour ne pas s'embêter, on papote. Ça tombe bien, comme ça on est sûr qu'on respire comme il faut. Et on parle du corps, tout simplement. Donc on parle de la circulation, de la respiration. Et au fur et à mesure, parce que ce sont finalement des phénomènes, des manifestations observables, quoi, qui vivent sur le moment, on peut leur dire, tiens, si tu respires plus lentement, tu vas observer telle ou telle chose. Du corps, je suis quand même arrivé à aller tout doucement vers l'esprit, et c'est plus par le biais de c'est un élément commun, en fait, de la respiration. Ça touche autant au corps qu'à l'esprit, finalement, avec un objectif de santé aussi. Alors voilà, après, il faut voir la motivation à mettre en place. Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche une performance? Est-ce qu'il cherche du calme, du lâcher-prise, ou des choses comme ça? Laurent. Mais, oui. Vous allez rester en ligne, d'accord? Oui. On va faire une petite pause, parce que déjà, vous faites bien de rallier ça à l'importance du corps. Quand un livre s'appelle « Mon corps est un palais », c'est sûr. Et puis après, on entrera encore plus dans le livre et comment vous avez approché ce livre avec vos enfants. 3063, si vous souhaitez vous aussi interpréter peut-être un peu tout ça et même élargir, comme le fait Laurent, comment est-ce qu'on parle de l'importance du corps, du cœur, de l'esprit, de tous nos sens, bref, de tout ce qu'on est. On oublie quand même qu'on est un peu magique. C'est quand même un peu la magie qui nous fait naître. C'est quand même, il y a tellement, on oublie tout ça. On est merveilleux. On oublie. Et donc, comment est-ce qu'on fait prendre conscience à ça, de ça aux enfants? 3063 via notre email, laviedubonkote@rtbf.be, via la page Facebook si vous souhaitez nous suivre et intervenir.

C'est pas courant. Il est carré. Il est carré. Il est grand. Tout à fait. Au départ, j'avais un éditeur que j'avais rencontré et je lui avais vraiment dit, je veux que ça soit ce format-là. Comme je lui avais vraiment donné mes conditions. Donc après, bon, ça ne s'est pas fait avec cet éditeur et donc j'ai décidé de tout prendre en main moi-même et de monter ma propre maison d'édition pour qu'il sorte exactement dans les conditions. L'arbre à plumes. Je voulais qu'il sorte. Voilà. Édition L'arbre à plumes. Tout à fait. Ok. La première page dans le conte, hein, on va être dans le concret, c'est l'importance de la terre, de la nature, le respect du vivant, les valeurs humaines. Donc ça, c'est extrêmement important de commencer par là. Vous dites qu'il faut dire aux enfants, donc voilà, nous sommes tous maîtres de notre royaume et en tant que roi ou reine de notre royaume, il est logique que nous possédions un magnifique palais. C'est notre corps, regarde comme ton palais est beau. Ça doit, à mon avis, faire mouche quoi, quand on dit ça à un enfant. Regarde comme ton palais est beau, c'est toi ton palais, c'est ça, c'est tout oui, ça ton palais. Tout à fait, parce que je pense que la première chose à faire quand on veut inculquer aux enfants que l'importance de leur corps et de leur esprit et de leur cœur, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. On a tellement l'habitude de se trouver des défauts. On est même déjà petit. Hein. Même déjà... Très petit, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez ceci. Je ne suis pas comme mon frère, je ne suis pas comme mon copain. J'aurais bien voulu avoir des cheveux frisés quand j'en ai des plats, blonds si je suis brune, et inversement, j'ai 3 kilos en trop, j'ai un bouton sur la figure si on est adolescent. N'en parlons même pas, l'importance du regard de l'autre est tellement important chez les jeunes. Et je pense qu'on oublie combien notre corps déjà est une merveille, combien si on regarde ne fût-ce que sa main, comment une main peut être un cadeau extraordinaire. Avec une main, on peut tout faire. On peut écrire, on peut caresser, on peut manger, on peut faire de la cuisine. On prend jamais le temps de se regarder comme quelque chose d'extraordinaire. Et c'est souvent quand on ne l'a plus. Quand on est, si on est malade, alors on se dit ah mince, ben oui, si je me casse le bras, quand tout on d'un connaît coup, des personnes qui n'ont plus l'usage de leurs mains, qui ont des handicaps, là on se rend compte aussi. Ouais, là on commence à se dire quand même j'ai de la chance d'être qui je suis. Et même si on se dit ben voilà j'ai plus ma main ou j'ai plus ceci, mais il nous reste encore beaucoup de choses. Et souvent on se focalise sur ce qui ne va pas, sans se focaliser sur ce qui va. Et on a souvent énormément de conditions de bonheur tout autour de nous. Ouais. Laurent, je reviens vers vous. Laurent, pour pas que vous restiez pendant toute l'émission avec nous. Bonjour, Laurent. Je suppose que vous avez envie de profiter du soleil, non, Laurent? Vous pouvez pas Non, ça va, il y a quelques petits nuages sur Villevorde pour le moment. Ah, donc, vous êtes à Villevorde, d'accord. N'est pas si mal à l'intérieur. D'accord. Donc, quand vous êtes arrivé avec... Vous avez l'habitude de raconter des histoires à vos enfants? Raconter des histoires. En fait, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, moi, parfois, ils peuvent s'endormir avec l'atlas du corps humain ou des choses comme ça. C'est pas toujours très poétique, non. Ça, mais ils ont leur petit livre à lire, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes arrivé avec ce livre, vous leur avez raconté, vous-même, ou vous leur avez laissé découvrir eux-mêmes, par eux-mêmes? Mais je leur ai lu. Pour le coup, je leur ai lu. D'accord. Voilà. Et sur quels mots ils ont peut-être... ils se sont arrêtés, ils ont dit « Papa, on ne comprend pas ce que tu veux nous dire ». Est-ce que ça s'est arrivé? C'est arrivé, effectivement, mais comme disait Barbara, au niveau de la conscience et des choses comme ça. Mais bon, le livre est tellement bien structuré en palais, en portes, en pièces, en réserve à grains. Oui, c'est exactement ça, oui. Je trouve que c'est ce qui manquait, parce qu'après le passage du physique à l'esprit, on arrive dans la partie la plus abstraite finalement. C'est pas évident à développer et c'est pas évident à expliquer. Et le livre de Barbara, il arrivait très bien. Donc ma foi, j'ai pas eu tant de questions que ça. Non. Finalement. Non, pas vraiment. Puis bon. Ils ont un papa qui est aussi coach en relaxation. Donc. Ah ah. C'est vraiment, j'ai entendu. Bon, allez, j'ai vendu la mèche. Mais ils ne sont pas des enfants comme les autres. Ah non, si, bien sûr que si. Mais est-ce qu'ils ont voulu une relecture par la suite? Est-ce qu'ils ont... Ah, ils l'ont, ils le relisent, effectivement, par eux-mêmes. Bon, maintenant, après, c'est vrai que c'est un outil. Hein, une fois que vous êtes parvenu à susciter quelque chose, des interrogations, des images dans la tête des enfants, des images qui sont propres à leur monde à eux. Finalement, après, ils doivent le prendre comme un outil. Et c'est effectivement un adulte qui a du vécu à essayer de rapprocher certaines situations du quotidien de ce qui peut être expliqué dans le livre par des images enfantines. Oui, oui. Ouais. C'est bien ce que vous venez de dire, Laurent. Merci en tout cas pour votre intervention. Susciter des images propres à leur monde, à eux. Parce que c'est vrai qu'ils ont leur monde à eux. Hein. C'est pas le même que nous, encore une fois. Donc c'est clair qu'il faut vraiment imbriquer l'un dans l'autre. Voilà, en racontant cette histoire. 3063, si vous souhaitez intervenir, ou via un email, laviedubonkote@rtbf.be, si vous souhaitez vraiment nous écrire, parce que le téléphone ne fonctionne pas. D'habitude, c'est vrai que vous êtes plus nombreux à nous appeler, mais le 070 est encore en congé. Il a pas envie. Non, non, il se dit, oh, qu'est-ce qu'on m'embête, hein, 22 août. Moi, je vais attendre la rentrée scolaire, hein. Je reviendrai. Voilà. Donc, si vous souhaitez intervenir quand même, faites-le aujourd'hui avec cette belle histoire de Barbara Dow, notre invitée. Mon corps est un palais. Comment faire prendre conscience aux enfants de l'importance de ça? Je suis comme un grain de sable perdu dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigue est ignorée. Si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi boire la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Si je m'envole un matin, je retourne à la terre. Je m'en vais et je viens. Je suis comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi boire la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi boire la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Je suis comme les autres en fait, je ne saurai jamais. Je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme empli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Boulevard désert avec Emmène-moi voir la mer. C'est ce qu'ils disent donc dans leur chanson. Bah dans quelques instants, je vous parlerai justement de notre escapade, la vie du bon côté en Baie-de-Somme. Vous connaissez la Baie-de-Somme, Barbara? Vous connaissez cette région? Un petit peu, oui. J'ai été une fois en vacances, c'est vraiment magnifique. C'est super beau. On aura 3 jours pour en profiter, puisque l'ambiance qui a régné au cours de notre première croisière était tellement exceptionnelle que nous n'avions pas envie d'attendre un an, voilà, pour reprogrammer une croisière, même si elle est reprogrammée en avril. Mais voilà, on voulait vous en parler. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà un joli groupe. Il reste encore quelques chambres. Et donc, je voudrais vraiment finaliser ça cette semaine. Donc, dans quelques instants, je vous donne les renseignements pratiques. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. La rentrée scolaire avec Le Soir. Français, maths, sciences, histoire, géo. Le Soir propose 4 rendez-vous destinés aux jeunes lecteurs qui rentrent en secondaire et souhaitent remettre à jour leurs connaissances. Chaque jour, 2 pages d'exercice avec leurs correctifs pour bien réviser. En route vers le secondaire, du 22 au 25 août, avec Le Soir. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Vapona, votre arme contre les insectes. Nissan, c'est de la barrière. Votre concessionnaire à Bury-Péruet. Nissan. Innovation that excites. Cette semaine, après être allé se rebooster en vacances, on est de retour chez vous. 15h-17h, aller-retour avec Philippe Jeuniot. Tu as réussi ta sixième technique ou professionnelle? Tu veux devenir infirmier hospitalier? Alors viens avec nous à l'ECNA Sainte-Élisabeth, une école dynamique et réputée, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Dès la première année, tu auras 12 semaines de stage. Après une formation en 3 ans et demi, tu obtiendras ton brevet d'infirmier qui te permettra de trouver rapidement du travail. Ça te tente? Tu trouveras bien plus d'infos sur ecnas.be, ECNAS.be. ECNAS 081 72 34 80. ...13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Barbara Doe est notre invitée, Mon corps est un palais, c'est son conte donc pour enfants, un conte philosophique bouddhiste destiné donc aux enfants à partir de 8 ans. Et l'escapade, la vie du bon côté, c'est pour les grands. Voilà, c'est une escapade pour les grands. Donc ce sera en Baie de Somme les 14, 15 et 16 octobre à l'hôtel Capornu, vraiment un très bel endroit déjà là où on vous invite. 3 jours, une escapade donc qui le temps de ces 3 jours vous fera découvrir non seulement cette splendide et dépaysante région toute proche, mais deux, surtout, vous fera découvrir, redécouvrir ceux et celles que vous entendez régulièrement, qui faisaient partie de notre première croisière en Croatie, à savoir Annie De Teux, qui est habitathérapeute, Caroline Bachot, qui pratique l'EFT, qui a écrit un bouquin sur la loi de l'attraction, Salvatore Rindon, qui lui fait beaucoup de calinothérapie et fait des conférences aussi sur le dénouer les liens du passé, les liens négatifs, toxiques du passé. Et puis Philippe Bétourné qui viendra aussi nous parler de changement. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme ingrédient quand on a envie de changer, d'aller vers un mieux? Donc voilà, il y aura des conférences bien entendu, il y aura des animations. C'est un séjour c'est pour 2 personnes ou toute seule. C'est évidemment, si vous souhaitez, il y a des chambres single qui peuvent être partagées. Si vous souhaitez vivre en groupe, venir en groupe. Ça se passe donc du vendredi jusqu'au dimanche. Il y a 3 repas. Il y a 2 nuits qui sont prévues. Alors je vous donne un numéro de téléphone si vous souhaitez, si vous préférez téléphoner, c'est le 0475 75 70 77, 0475 75 70 77, ou vous m'envoyez un email maintenant la vie du bon côté en un mot @rtbf.be, ou vous allez tout à l'heure peut-être si vous avez le temps sur la page Vivacité sur le site internet, puisque c'est en haut de la page de l'émission que vous verrez tout le programme de cette escapade détaillée. Donc voilà, donc vous avez, je pense, toutes les portes vous sont ouvertes pour arriver jusqu'à nous. Attention, il ne reste vraiment que quelques dernières chambres. Voilà, on a déjà un bon groupe qui est là. Et donc voilà, on pourra peut-être essayer d'agrandir un peu, mais c'est vraiment les dernières chambres. Donc les premiers seront évidemment les prioritaires dans cette escapade donc programmée mi-octobre. Bon, revenons sur ce livre. Encore une fois, si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez nous dire comment vous avez peut-être envisagé aussi de parler de l'importance de leur corps à vos enfants. Est-ce que vous avez vraiment pris du temps? Est-ce que vous avez dû vous allier avec un livre pour parler de ça avec les enfants? Est-ce que c'est facile pour vous de parler de ça? Ou est-ce que comme vous avez difficile d'aimer votre corps, ben vous trouvez peut-être que vos enfants sont peut-être en manque aussi de mots positifs, de dialogue, de discours positifs par rapport à ça, et venez peut-être demander des recommandations à Barbara Doe, notre invitée. On aura l'occasion aussi d'entendre une autre personne qui raconte des histoires aux enfants juste après le flash de 14h30. 63, si vous souhaitez donc témoigner aujourd'hui à ce sujet. Le temps d'écouter les Bengals avec Eternal Flame en souvenir en ce 22 août. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Darling, Cette première heure de premier jour de la rentrée en ce qui nous concerne. En effet, Vivacité donc reprend ses émissions, une grille normale. Pour parler notre jargon, c'est la grille de la rentrée. On trouvera dans quelques instants notre sujet du jour. Mon corps est un palais, ce conte philosophique présenté par Barbara Dow pour les enfants principalement. A tout de suite. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de... Vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. En télé sur la Une. Et je t'ai apporté des pâtes de fruits. T'as bien fait, les vieux adorent les sucreries. Mais moi, pas. Quand un père et son fils se redécouvrent, la vie prend un autre parfum. Si vous voulez rentrer chez vous, il faudra faire des aménagements, enfin des travaux. Pour compter deux petits mois. Deux mois ? La fleur de l'âge avec Jean-Pierre Mariel et Pierre Arditi, lundi soir sur la Une. Trouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Vabona, votre arme contre les insectes. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Écoutez Vivacité, il est 14h. Le flash de 14h présenté par Yasmina Favaro. Yasmina, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Un acte bruxellaire connu à l'international grâce à ses notes de musique à l'harmonica, c'était Toots Thielemans. Le musicien belge s'est éteint ce matin dans son sommeil, il avait 94 ans. Né dans les Marolles, sa carrière a réellement démarré aux États-Unis dès les années 50. Il y jouera avec les plus grands, de Charlie Parker à Frank Sinatra. Bluesette restera l'un de ses plus grands succès, mais Toots Thielemans, c'était aussi des musiques de films comme Jean de Florette de Claude Berry. En 2009, il avait reçu la plus grande distinction pour un jazz. Le Jazz Master Award. Du Premier ministre Charles Michel au chanteur Le Grand Jojo, les hommages se multiplient depuis l'annonce de son décès. Et d'ailleurs ce soir, la ville de Bruxelles diffusera à 18h sur la Grand Place une compilation de ses succès. Le fils de l'imam de Dizon a été interpellé hier à son retour de vacances. L'adolescent avait fait parler de lui après la diffusion d'une vidéo où il appelle à tuer des chrétiens. Son père et sa mère ont aussi été interpellés et interrogés. Tous trois ont été relâchés depuis. La police a gardé le GSM de l'adolescent pour rechercher des preuves de radicalisation. Ce matin, nous avons pu joindre le jeune homme. Il dit regretter avoir fait cette vidéo. Il sera entendu plus tard par un juge de la jeunesse. Son père, l'imam, est toujours sous le coup d'une procédure d'expulsion contre laquelle il a fait appel. On lui reproche des prêches très radicaux. Comment relancer l'Europe après le Brexit ? C'est la question qui sera abordée d'ici quelques heures par l'Allemande Angela Merkel, le Français François Hollande et l'Italien Matteo Renzi. Les trois dirigeants européens se réunissent sur l'île de Ventotene, au large de Naples en Italie. Parmi les pistes pour rebondir après le départ des Britanniques, la France et l'Italie préconisent plus de collaboration européenne en matière de sécurité et de défense. Carnet rose au marais d'Archide Anzi, Pombreuls, dans le Hainaut. Des petits de spatules blanches sont nées. Ces grands oiseaux blancs au cou élancé, au bout du bec évasé, d'où le nom de spatule. Et donc c'est Natagora qui l'a annoncé ce matin. L'association de protection de la nature se réjouit car c'est une excellente nouvelle pour les ornithologues de la région. Cette naissance était très attendue depuis plusieurs années. La météo, eh bien, peut-être encore quelques nuages cet après-midi, mais le temps restera sec et le soleil va pointer le bout de son nez. Pour les températures, elles seront comprises entre 19 et 25 degrés. Et tout de suite, on part sur les routes avec Pierre Collard-Bovy. Il y a un accident grave sur le ring. Oui, effectivement, un accident grave sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure. C'est au kilomètre 57, peu après Anderlecht. Trois bandes de circulation sont neutralisées. La circulation est quasi à l'arrêt depuis Grand Bigard en direction de Halle. Des déviations sont mises en place venant de Gand et de la 12. Déviation via le ring intérieur vers Zaventem. C'est un peu donc le chaos. Ralentissez bien et suivez bien les injonctions des forces de l'ordre évidemment qui sont sur place. En revanche, terminé pour l'accident sur le ring de Bruxelles en extérieur à hauteur de McAllen, n'a plus de problème. Sur le ring de Bruxelles, eh bien 31 minutes supplémentaires déjà maintenant pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 14 minutes pour l'extérieur Carrefour Léonard Zaventem et plus 10 minutes pour l'intérieur au titre Grand Bigard. Accident toujours en cours sur la 54 Nivelles Charleroi à hauteur de l'Aude-Linsart. La bande de droite est neutralisée en direction de Charleroi. Autre accident nouveau, celui-là sur la 602 Long-Saint-Chenet à hauteur d'Angleur. La bande de droite est neutralisée. Il y a des files en direction de Chenet et puis une échelle pourrait vous surprendre sur le 40 Aix-la-Chapelle-Liège à hauteur de Barchon. La voie centrale est encombrée en direction de Liège. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 14h04, c'est reparti pour la vie du bon côté, toujours avec Sylvie Honoré. Merci Yasmina, l'info revient dans moins d'une heure à 15h. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Eh ben oui, parce que c'est toujours évidemment la saison du beau vélo de Ravel jusqu'à la fin du mois de septembre. Nous étions à Arlon samedi. Après Namur et Arlon, le beau vélo de Ravel revient ce samedi-ci en province de Namur pour faire escale à Mété et vous y proposer toute une série d'activités. Parmi celles-ci, une balade sous forme de boucle praticable à pied, à vélo ou à cheval. Qu'Adrien Jovenot et son acolyte Cody nous décrivent tout de suite. Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours jubilatoire de pédaler sur un circuit automobile hein, quand les bolides l'ont déserté et c'est ce que nous ferons ce samedi 27 août à Mété après Francorchamps l'an dernier. On va envahir un circuit, celui de Mété, à l'occasion du grand week-end solidaire de Cap 48. Nous en sortirons ensuite pour découvrir le tout nouveau Ravel Rops aménagé sur la ligne 150 qui reliait autrefois Tamine à Dinan. On va aussi longer la gentilhommière du peintre Félicien Rops à Tosé, le lac de Bambois, tout ça à Mété. Est-ce que vous connaissez, Cody, la ville de Mété? Je ne connais pas bien, mais je connais Loncin, qui n'est pas très loin. Donc je propose de faire l'étape Mété-Loncin nu. Ah, jusqu'à un nu alors. Exactement. Mettez l'oncin à nu. À nu, exactement. C'est pas mal, mais vous allongez le circuit. Hein. Ah oui, bah écoutez. Parce que moi j'avais prévu 30 km, mais si vous faites mettez l'oncin à nu, ça va être carrément un marathon. Cody, nous serons à l'arrivée avec le groupe Suarez et d'autres stars. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous retrouve demain. À demain. Pour d'autres nouvelles du beau vélo de Ravel. Merci Adrien, à demain. Et en attendant, n'hésitez pas à aller surfer sur le site vivacité.be pour plus d'informations sur le beau vélo et ce qu'il y a lieu de savoir sur tout ce qui va se passer en effet ce samedi, parce qu'il y a toujours des infos de dernière minute. Donc allez sur ce site avant samedi de préférence. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. till the night is gone. I travel my mind and into my heart. Nobody knows when I go that far. Avec Homeless, mon corps est un palais. C'est donc ce livre qu'on vous présente aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que voilà, émission encore un peu estivale et donc j'ai vraiment envie peut-être de vous donner l'envie de vous procurer ce livre et de le raconter à votre enfant et vous-même de vous en insuffler un petit peu cette énergie positive. Parce qu'il est plein d'énergie positive, hein, votre livre. Hein, ça. J'espère. Oui. Ah bah écoutez. Il est écrit pour, en tout cas. Déjà, il est écrit pour. C'est un conte bouddhiste. On dit bouddhique ou bouddhiste ? On dit n'importe. Ouais, ça dit bien ce que ça veut dire. Bon, sur les neuf consciences, voilà, il est préfacé par Philippe Cornu. Et c'est vrai que vous avez dit aussi, et vous l'écrivez dans votre livre, que c'est un livre qui est venu à vous. Voilà, que en général, on n'écrit pas un conte, il vient spontanément. Alors quoi. Effectivement, j'ai écrit ça parce que des fois, j'ai l'impression que le conte, il n'est pas à moi. Alors bien sûr, c'est moi qui l'ai écrit, mais il a été fait de tout ce que j'ai lu, de toutes les histoires que j'ai lu, que ce soit Le Petit Prince quand j'étais petite, que ce soit des enseignements bouddhistes très théoriques et très compliqués, on va dire ça comme ça, mais aussi toute la littérature jeunesse, les pièces pour enfants, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai lu m'a enrichi, m'a nourri. Et puis un jour, il y a un trop-plein qui doit s'évacuer. Oui, parce que en fait, l'idée du départ était vraiment une toute petite idée. J'avais écrit énormément de notes. Et puis, j'avais envie de communiquer cette histoire et il est vraiment sorti tout seul en un seul jet, quoi. Je me suis vraiment mis à l'écart. J'ai pris une semaine de retraite et j'ai vraiment tout écrit en un coup. Génial. Alors, quand une personne qui est habituée, en effet, à raconter des histoires, quand une auteure, une comédienne que vous êtes, une metteur en scène, rencontre une autre personne qui a un peu cette fibre-là, Lydie, on parle de vous, bonjour. Oui, bonjour Sylvie. Puisque vous êtes raconté en allant faire un peu la même chose, vous allez animer des séances pour enfants, des ateliers pour enfants, ça. C'est ça, vous êtes rencontrés. Et puis aujourd'hui, vous venez d'écrire votre premier roman jeunesse aussi, vous Lydie. Oui, je viens de l'écrire, illustrer et auto-éditer exactement comme Barbara. D'accord. C'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à la rencontrer cet été au village des Pruniers et à partager avec elle sur notre expérience et puis sur notre façon de voir la créativité, on a la même façon de voir les choses, quoi. Comment vous le ressentez ? Qu'est-ce que vous voulez donner comme message par rapport à ce livre qu'on présente aujourd'hui ? Ben, j'ai écouté votre émission depuis le début et pour moi, ce qui paraît essentiel, c'est le côté universel, en fait, de cette histoire. C'est vrai que vous disiez que il n'est pas question de convertir des enfants au bouddhisme ni même des parents. Et c'est vrai que l'essentiel même du bouddhisme, c'est de faire rencontrer la sagesse intérieure en chacun et sans avoir besoin de convertir en quoi que ce soit. Mmh. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est qu'on amène à ça, rencontrer le petit Bouddha intérieur en chacun de nous. Et c'est ce qu'on faisait au village des Pruniers. C'est chaque fois qu'on s'incline devant une statue du Bouddha, on s'incline devant notre Bouddha intérieur. Quand on s'incline les uns envers les autres, on s'incline devant le Bouddha intérieur des autres et puis on s'enrichit comme ça les uns les autres. Mais les enfants, ils ont besoin d'images. Donc, vous voyez, quand on va... Moi, j'ai des Bouddhas. Est-ce que je peux dire des Bouddhas chez moi ? Ils ont tous des gros ventres. Vous voyez, donc, chez moi, vous voyez ? Des petites statues, j'ai des représentations sur les murs. Vous voyez, hein, ouais. Bouddha avec le gros ventre, je l'aime bien, celui-là. Voilà, je trouve. Donc, si je parle de boudin intérieur à mon enfant, il va dire comme celui-là, maman. C'est difficile, comme celui-là qui est sur le mur. Donc, vous voyez, je trouve que c'est, parler aux enfants, c'est ça, c'est imager. Bon, et justement, à propos d'image, il est magnifiquement bien représenté, votre livre, Barbara. On vient de recevoir un SMS en disant « Sylvie, n'oubliez pas de parler de la tendresse enfantine et de la beauté naïve des dessins de Barbara. Quel défi pour quelqu'un dont la mère était une artiste peintre de renom. » Effectivement, maman était peintre et ça m'a... C'est sans doute une des raisons pour laquelle je me suis toujours dit je ferai jamais de dessin moi-même parce que maman dessinait tellement bien que j'estimais ne pas savoir dessiner. Et donc c'est un beau clin d'œil, c'est justement l'année passée quand j'ai animé au même endroit, au village des pruniers, des amis, alors que je cherchais une illustratrice puisque j'en avais d'abord une et puis elle a plus pu faire les dessins parce qu'elle avait pas le temps. Je me dis, mais comment je vais faire? J'avais un éditeur à ce moment-là, j'avais personne. Et je dessinais, mais pour moi-même, presque comme je griffonnais. Ouais. Et mes amis me disent, mais vas-y, mais dessine-toi-même. Je dis, mais allez, vous êtes folles, les filles, je vais jamais dessiner mon propre livre, ça va être ridicule. Si, fais-le. Et puis je me suis lancée, je les ai fait. Mais quelle fierté! C'est vous, alors? Alors, c'est moi qui ai tout fait, et voilà, et sans avoir pris de cours de dessin, et vraiment, avec, j'en vais dire, c'est des dessins du cœur. Et c'est des grands dessins, parce qu'il y a une page, un dessin, une page, un dessin, une page, un dessin, ça je ne l'ai pas encore dit, mais donc c'est ça. Tout à fait. C'est ça qui est chouette, c'est que l'enfant qui raconte l'histoire a envie évidemment de voir les dessins. Restez là Lydie, on n'a pas fini de parler ensemble. 3063, si vous souhaitez intervenir donc aujourd'hui sur la façon dont on aborde ces sujets-là avec les enfants, c'est vraiment important de parler de l'importance de leur corps, l'importance de leur cœur, leur esprit, leur mental, la petite voix intérieure, ça aussi vous en parlez dans votre livre, donc on va en parler dans quelques instants parce que la sacrée petite voix intérieure, dites donc, elle nous en fait voir des couleurs, hein, et déjà pour eux aussi, hein, dès le départ, elle est bien présente. Et les enfants en général la connaissent bien, donc on en parlera dans quelques instants. 3063 ou par email, laviedubonconte@rtbf.be parce que notre numéro téléphone ne fonctionne pas. Ton téléphone est toujours en vacances. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors tous à Mété pour le grand week-end Cap 48. Une occasion unique de pédaler sur le circuit et de découvrir le Ravel Félicien Rops vers Fosse-la-Ville avant d'applaudir à l'arrivée Suarez en concert gratuit. À samedi, les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. La rentrée approche et Sud-Press vous aide à planifier cette nouvelle année. Ce mercredi 24 août, recevez votre calendrier scolaire à l'achat de votre journal. Le jeudi 25 août, des étiquettes pour cahiers. Et le vendredi 26 août, un calendrier des anniversaires. C'est gratuit avec la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. Encore une exclusivité. Sud-Press. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Métairie. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Métairie, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi 350 ans. C'est 2, 3 et 4 septembre, week-end d'anniversaire. Soirée d'ouverture place de la Digue, cortège historique avec la présence de l'Homme Gang, Carolo Retro Cars, accès exceptionnel à de nombreux sites historiques et Kefies, grande fête populaire sur les quais de Sambre. Info charleroi.be/350ans. Avec la une. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine. sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop that. Justin Timberlake, qu'est-ce qu'il faut encore dire son nom? C'est vraiment le tube de l'été. On parlait d'émotions il y a quelques instants, Barbara, en disant que c'est vrai qu'on peut vraiment apprendre à gérer les émotions, à faire apprendre à gérer les émotions à nos enfants. Moi, quand j'entends ce genre de chanson, j'ai une émotion qui me prend. Une belle émotion, voilà, une belle émotion. C'était vraiment une très très belle chanson. Ça l'est toujours, mais donc il nous a accompagnés pendant l'été. L'été n'est pas fini, hein. L'été n'est pas fini. Il va même être très très chaud dans les jours qui viennent. J'espère. Parlons de la gestion des émotions. C'est vrai que c'est extrêmement important. Quand vous parlez des petites graines, Lydie, vous êtes toujours avec nous, vous l'avez lu, oui, vous l'avez raconté là. Aussi à vos enfants, hein, Lydie, ce livre. Ou à des enfants. À des enfants. Oui, non, j'ai pas la chance d'avoir des enfants. D'accord. À, moi, mais à des enfants, ouais. À des enfants. Quand elle parle des graines, parce que j'aimerais lire un peu quelque chose, je trouve ça extraordinaire aussi quand elle parle de ces graines, de ces sacs à graines, voilà, les graines mélangées. Quand elle dit, il faut, donc, quand on lit cette histoire aux enfants, on en arrive sur ce chapitre-là, il faut dire que la vie de roi, c'est pas toujours simple. Il y a toutes les affaires du royaume à gérer. Alors que toi, tu aimerais tant uniquement te consacrer à ton jardin. J'aime bien ça. Et là, vous parlez de graines mélangées, en effet, qui viennent de nos parents, de nos ancêtres, qui s'accumulent tous les jours. Vous dites, Barbara, ça demande de la patience, ça demande beaucoup d'attention de les gérer. Ils comprennent, ouais. Oui, alors effectivement, ce qu'ils comprennent, c'est qu'on a des acquis qui nous viennent de nos parents, effectivement. Et je pense que c'est un bel outil pour pouvoir, après, expliquer aux enfants que notre bagage, en fait, il n'est pas seulement corporel. C'est-à-dire que, oui, j'ai les yeux de papa ou les cheveux de maman, mais j'ai plein d'autres choses, plein d'autres qualités et aussi de choses qui nous viennent de nos parents, parfois aussi des secrets ou des choses comme ça qui font notre bagage et qu'on ne connaît pas toujours leur identité. D'où ces graines mélangées qu'il faut prendre vraiment avec beaucoup de soin et aller les planter dans la terre de son jardin pour en reconnaître la nature. La gestion des émotions, vous écrivez, donc ça aussi c'est à lire aux enfants. Quand tu arrives à transformer les graines de peur et de tristesse en bon engrais, tu peux avoir de magnifiques roses sourires, des tulipes généreuses, des muguets joyeux ou des bleuets forts et courageux. Ça, c'est vraiment les émotions. Tout à fait. En fait, l'important, c'est de pouvoir se dire, et donc j'essaie de l'expliquer là aussi dans le livre, qu'aucune émotion n'est négative. Même la peur, même la colère, si elle est prise avec soin et si on la regarde profondément, si on regarde profondément ses racines, c'est-à-dire si on comprend pourquoi on est en colère, pourquoi est-ce qu'on est triste, et qu'on va vraiment à l'intérieur de soi-même en se regardant vraiment dans le miroir, enfin, un miroir évidemment virtuel, mais et qu'on comprend d'où ça vient, d'abord on peut mieux dissoudre notre propre colère ou notre propre peur, pardon. Mais surtout, on apprend à vivre avec. Le tout, c'est pas de dire « je n'aurai plus jamais peur » ou « je ne serai plus jamais en colère ». C'est plutôt apprendre à dire « ok, aujourd'hui, je suis en colère, c'est vrai. Et ben, je prends le temps de gérer ma colère, de peut-être de m'éclipser, d'aller marcher, d'aller respirer. » Alors, c'est communément connu que la respiration aide à se calmer, à calmer nos émotions. D'ailleurs, souvent, j'explique ça à des enfants ou même à des adultes. Le premier réaction naturelle d'un enfant quand il n'est pas content, c'est de pousser un gros soupir. Pire, de faire et ben ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, c'est une manière aussi de respirer, de se soulager par la respiration, par cette espèce de lâcher prise et s'accepter tel qu'on est déjà. Je ne soupirerai plus de la même façon quand on m'annonce quelque chose. Voilà, ça me ferait du bien. Lydie, vous voulez ajouter quoi à ça pour la gestion des émotions par rapport aux enfants? C'est vrai qu'on a appris quelque chose d'intéressant. Village des Pruniers, c'est une petite. On vous entend plus. Tournez un peu sur vous-même. À la fraîcheur. Tournez un peu sur vous-même. Le réseau n'est pas bon, Lydie. Ah. Ouvrez la fenêtre. Là, vous m'entendez? Oui. Allez-y. On a appris une petite méditation aux enfants de façon très imagée, où on leur a dit qu'ils pouvaient faire un très beau cadeau à leurs parents, le plus beau cadeau qui soit. Et là, ils étaient attentifs avec des yeux exorbités. Qu'est-ce qu'on peut faire comme cadeau à nos parents? Et c'était le fait de nourrir la fraîcheur en eux, nourrir cette graine de fraîcheur et se voir eux-mêmes comme une fleur. Et ça, je trouvais ça très beau, de pouvoir apprendre les choses aux enfants de façon très simple, très imagée, et quelque chose qu'ils attendaient vraiment impatiemment, de pouvoir offrir aussi quelque chose. Parce que quand on nourrit des graines en nous, par contre, qu'on offre aussi autour de nous, en fait. Quand on nourrit de la patience, du bonheur, de la joie en nous, c'est pas seulement pour nous. Et ça, les enfants, c'est vrai qu'eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils offrent énormément autour d'eux. Ils offrent énormément d'énergie, de joie, de douceur. Et c'est quelque chose de très beau. Ouais, ça c'est beau ce que vous dites, Lydie. Bon, j'espère qu'on ne paraît pas comme des bobos, hein, parce que je voudrais absolument pas passer pour une bobo. C'est pas parce que je parle de ça que je le suis vraiment pas, mais je trouve que c'est un discours tellement, oui, ça peut paraître naïf en train de ou en dire ouais, ben il y a des gens qui parlent comme ça, il y en a beaucoup qui parlent pas comme ça. Et ben c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Et donc j'ai vraiment envie qu'on mette l'accent sur ça aujourd'hui, sur ce livre qui s'intitule Mon corps est un palais. Merci, Lydie, et son premier roman jeunesse. Je vous donnerai les coordonnées. Hein, on sait jamais. Je pourrais faire une émission avec. Voilà, avec elle. C'est Kayla, un très beau Kayla, c'est le Kayla, titre. Voilà. D'accord. 3063, si vous souhaitez intervenir sur antenne pour parler vous aussi du comment vous faites pour parler de tout ça aux enfants. La petite voix, on va en parler dans quelques instants. La gestion des émotions, l'importance du corps, le fait et du cœur bien entendu, et puis toutes ces valeurs qu'on véhicule peut-être mal aujourd'hui et qu'il faut peut-être revenir un petit peu par rapport à tout ça. Donc voilà, 3063, la vie du bon côté, @rtbf.be si vous souhaitez nous envoyer un email. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro ! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connectés avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. En 1844, la commune de Jumet fondait un collège à la rue de Gosselies. En 1930, devenue école moyenne de l'État, Orsini de Werp, homme de cœur et artiste, lui donnait ses lettres de noblesse. En 2016, l'Athénée Royal qui porte son nom poursuit son œuvre. Fort de près de 2 siècles d'expérience, il ouvre une section artistique de transition dès la 3e année pour tous les élèves ayant réussi leur 2e secondaire. Info au 071 25 69 00. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTB Fovio. Moi qui voyais le mal partout, si l'amour est encore sur terre, rien n'efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré autant de joie pour personne. Le canon qui résonne ici sous pilotis, refuge de mes amours engloutis. Mon cœur dépose à la dérive, les marées ne me feront revenir. Je reste avec les étoiles de mer, les oiseaux, les terres amères, et mon cœur qui se perd. Je suis tombé pour elle, je n'ai dit que pour elle. Ma maison m'a tué folle. Quand mes amours prennent l'eau, l'îlot d'oiseaux. Au-dessus des marais, j'aime de l'amour à perpétuité. Pour pile sur mer, arc inféré, la pointe chevaux de mer l'été. Arcachon piqué, frédérian, les glaces sur la jetée pourraient bien me manquer. Je suis tombé pour elle. Avec tombé pour elle. Message de Christine sur la page Facebook. Elle dit bonjour Sylvie et Barbara. À nouveau, bravo pour le thème choisi pour ce premier jour de la rentrée. Je suis grand-mère et je souhaiterais vivement faire l'acquisition de ce livre pour le faire découvrir à mes petits. Pouvez-vous me dire où je peux le trouver? D'avance, un grand merci. On n'a pas encore dit ça. On trouve où votre livre? Alors, comme au départ, j'avais tout fait moi-même, c'est moi-même qui ai fait les dépôts dans de très nombreuses villes belges. Donc, il est sur Bruxelles, sur Namur, sur Louvain-la-Neuve à l'Agora. Mais depuis assez peu de temps, je suis distribuée maintenant par Diffusion Nord-Sud. Voilà. Ça veut dire qu'on peut le commander un peu partout, quoi. Exactement. Donc maintenant, il suffit de rentrer dans une librairie et de le commander via Nord-Sud. Et en principe, il devrait arriver chez vous assez vite. Mon corps est un palais. Assez facile à retenir comme titre. Vous serez aussi à des foires du livre, vous serez en rendez-vous à des foires du livre. Le livre tout proche, c'est au château de la Hulpe, le 25 octobre. En octobre, vous serez aussi à l'Atelier Royal de Pontassel pour un festi-BD, le 22 octobre. Et à Mons Livre, en novembre, les 26 et 27 novembre, au Loto Mons Expo. Vous avez un site internet, vous avez une page Facebook? J'ai une page Facebook. Mais je la mettrai alors, je la mettrai sur la page du site. Albert, dans quelques instants, s'exprime. Il l'avait acheté pour lui, et puis il l'a partagé avec son grand-fils. Donc il viendra nous parler de son ressenti à lui. Vivacité, la ville de Mons présente la nuit des musées. Visite décalée, concerts, ateliers créatifs et numériques, soirée DJ, le vendredi 26 août de 19h à 1h. 10 musées montois s'animent pour une nuit pleine de surprises. Programme complet sur pôlemuséal.mons.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour chez moi, j'ai choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Vous êtes déjà plus de 500 000 à avoir choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Aujourd'hui, investissez avec nous dans notre parc éolien et ensemble faisons progresser les énergies renouvelables. Luminus, ensemble, faisons la différence. Infos et conditions sur luminus.be. Construction Jean-Pierre et fils, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour ajouter une 10e boule à l'Atomium. Très bien. Pour la semaine prochaine. Pas de problème. Merci. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 € par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Envie d'un nouvel ordinateur, mais pas de tout installer ? Achetez-le chez MediaMarkt et profitez d'un an d'assistance informatique professionnelle en magasin ou à distance pour 59 € par an. Infos et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. La vie du bon côté sur Vivacité. Ah, je m'y fais bien, moi, ce nouvel habillage, comme on l'appelle, ce nouveau générique, ce nouvel indicatif, ces nouveaux jingles, voilà. C'est comme ça qu'on parle entre nous. Donc, c'est pour ça que j'essaie un petit peu de parler comme ça aux autres, voilà. Parce qu'on, je sais pas comment on l'appellerait. Oui, un générique, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, de toute façon. J'aime bien le message de Sophie. Sophie, quand vous venez de parler de la respiration avec les enfants, vous dites, quand ils font, comme ça leur fait du bien. Mais elle dit, ah, merci d'avoir dit ça, Barbara, je ne recadrerai plus jamais mon fils lorsqu'il lâchera un grand pfff à mes remarques. Non, parce que c'est une façon pour lui de... Voilà, de prendre sa Attends, respiration. Attends maman, je prends ma respiration par rapport à ce que tu me dis, ça me plaît pas, mais... Voilà. L'important, je crois que en tant que parent ou en tant qu'éducateur ou de professeur, puisque j'ai aussi animé énormément de groupes, c'est de pouvoir dire aux enfants, ok, là t'es en colère, j'accepte que tu sois en colère. Et c'est pas pour ça que j'accepte que tu me parles pas décemment ou que tu frappes ton voisin. J'accepte que tu sois pas d'accord, que tu sois en colère, que c'est l'émotion que tu vives pour le moment. Prends le temps de la gérer, va te calmer, quelque part monte dans ta chambre, on va te promener. Si je suis en classe avec un groupe, alors il y a le coin calmant, il y a différentes méthodes qui existent, mais que l'enfant puisse prendre le temps de gérer sa colère, de l'apaiser, et puis de revenir parler calmement. C'est pas le moment où il est en colère de lui dire, mais attends, tu t'excuses. Il faut qu'il prenne vraiment le temps de la digérer, de l'intégrer, et surtout pas dire, t'as pas le droit d'être en colère, ou ne pleure pas. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est les enfuir pour qu'elles ressortent 10 000 fois plus après. Absolument. L'important, c'est vraiment de donner cette place aux émotions, de s'accepter soi-même en disant ok, je suis triste, tiens, pourquoi est-ce que je suis triste, ou en colère, pourquoi est-ce que j'ai peur, et puis, ou de dire tu peux pleurer, quoi, c'est ça. Oui. Peux pleurer, t'as envie de pleurer, tu peux pleurer, voilà, il n'y a pas de souci. Il faut savoir qu'une émotion, par exemple, biologiquement parlant, ne dure que 10 minutes. Après c'est notre mental qui prend le dessus, qui commence à ressasser. Ouais, machin, et je suis en colère parce que. Mais là, c'est notre mental qui prend le... Mais l'émotion physique, la bouffée de chaleur, donc tout ce qu'on appelle les sensations corporelles, ce n'est qu'une réponse à un stimuli qu'on voit de l'extérieur. Et ça, ça ne dure que des minutes. Si je vais demander à Albert, qui nous attend par téléphone, dans quelle émotion il est. Bonjour Albert. Bonjour. Vous êtes dans quelle Bonjour. Émotion Ah ben moi, je suis très joyeux, très heureux et très content de parler avec vous. Ah ben, oui. Pourquoi ? Parce que d'abord, je voulais vous remercier, Sylvie en particulier, pour votre émission. Et parce que en fait, vous faites toujours preuve d'un esprit de recherche dans tous les sujets et dans vos émissions en général. Et donc, cet esprit de recherche, c'est une caractéristique de l'état d'éveil, l'état Bouddha. Donc, vous êtes Bouddha tous les jours. C'est ça que je m'assieds souvent en faire de lotus. Et oui. Une caractéristique du Bouddha aussi, c'est la joie, et vous communiquez votre joie, vous la propagez et vous la partagez, et donc c'est vraiment... Merci Albert, franchement, merci. Sinon, à part toutes ces belles choses. Ouais. Sinon, ben, d'abord, merci et bravo à Barbara d'avoir... écrit ce conte. Moi, je suis très reconnaissant parce que je pratique le bouddhisme de Nichiren Daishonin depuis 20 ans. Mon fils a commencé vers 8 ans. Et je n'avais pas à l'époque d'outils, je n'avais pas de livre accessible pour lui en français tel qu'elle l'a rédigé ce conte. Et donc, pour moi, c'est vraiment un atout pour les parents, pour les enfants, de pouvoir accéder à tous ces concepts bouddhiques qui sont finalement parfois un petit peu abstraits et parfois... semble un petit peu inaccessible. C'est vrai, oui. Ouais. Et donc, en fait, vous êtes vraiment Bouddha, vous, Sophie, en tant que telle. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans l'instant présent, vous communiquez, vous partagez. Et en fait, l'état de Bouddha, c'est l'état d'éveil. C'est être consciente de l'instant présent et c'est d'arriver à vivre des moments tous ensemble et à partager cette joie. Ce que vous faites, et c'est magnifique. Et donc, moi, je suis vraiment très heureux qu'elle ait rédigé ce conte, parce qu'il permet, comme je vous disais, d'accéder à toutes ces notions. Oui, oui. Et surtout de les faire accéder aux plus jeunes, quoi. C'est exactement ça qui est extrêmement important, évidemment. La petite voix, c'est vrai que j'ai envie de vous lancer là-dessus, Barbara, la fameuse petite voix, parce que vous en parlez, vous l'appelez la petite voix. Dites la petite voix qui... Tout à fait. Alors, la petite voix, pour moi, d'abord, elle n'est pas toujours négative. On a tendance à vouloir la diaboliser, en faire quelque chose de très négatif, mais bien sûr qu'elle nous enquiquine et des fois, on aimerait bien lui dire de prendre des vacances. Oui, c'est ça. Mais elle est aussi là pour nous prévenir du danger, pour nous dire, attention, mets pas ta main dans le feu parce que ça va brûler. Donc, elle n'est pas que négative. Non. Elle est aussi là pour nous dire, attention, danger, cette personne-là, te fie pas trop à elle parce que, voilà, l'expérience a fait que... C'est l'instinct, alors, c'est ressenti. Il n'y a pas que l'instinct, c'est aussi notre expérience vécue qui va faire qu'on va avoir un jugement. Mm-hmm. On va avoir un jugement sur la situation. Alors évidemment, c'est souvent des jugements à l'emporte-pièce parce que on va pas toujours voir ce qu'il y a derrière ce premier jugement qu'on aura. Mais donc voilà. Après, c'est vrai que ce qui est très très important pour moi, c'est de pouvoir dire très vite aux enfants que ces pensées, que notre petite voix, donc nos pensées, en fait, c'est pas nous. C'est de pouvoir se dire, moi je reste maître de mon palais et j'écoute ces petites voix un peu comme j'écouterais la radio et je sais si j'ai envie de changer de poste. Et que quand la musique me plaît pas, je peux aussi changer et mettre un autre disque. Pas toujours écouter le même disque de notre petite voix qui râle. Alors un des disques qu'on utilise, entre autres en bouddhisme, mais aussi dans d'autres thérapies, est la respiration en sophrologie par exemple. On utilise la respiration comme un outil, mais il y a évidemment énormément d'outils à la disposition aujourd'hui de beaucoup de gens. Je veux dire, le bouddhisme en est un, mais il y a beaucoup d'autres possibilités pour pouvoir accéder à nous-mêmes, en fait. Absolument. On va regarder Albert, parce qu'on n'a pas fini aussi de parler avec lui. Et puis, on appellera Muriel dans quelques instants, qui nous écrit qu'elle a deux enfants de 7 et 11 ans. Elle n'y connaît rien, dit-elle, en bouddhisme. Est-ce que c'est un handicap pour leur parler de la façon dont vous parlez ? Non, Muriel. On va vous le prouver. prouver. Je suis pas non plus. On va vous le prouver. Encore une fois, on va balayer ces vieux clichés. Ah oui, non. Le bouddhiste n'est pas celui comme Albert ou comme vous, Barbara, qui s'assied le plus souvent possible en lotus, dans un coin de la pièce. Je vous rassure, je ne m'assieds pas toujours en lotus pour pratiquer. Je m'assieds souvent sur une chaise. Et ben voilà, vous voyez, donc quoi. Encore une fois, c'est cliché. Bon, Albert revient dans quelques instants, Muriel aussi, et Barbara reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission, bien sûr. 3063 si vous souhaitez communiquer, la vie du bon côté en un mot, @rtbf.be si vous souhaitez interagir. Bienvenue en ce lundi de la rentrée. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. At the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me at dinner in Sicily? Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over. Dans la vie du bon côté, c'est notre premier jour en effet, c'est notre entrée à nous, c'est la rentrée de Vivacité, alors que je suis en train de mettre votre page Facebook sur la page de l'émission pour ceux et celles qui veulent avoir des renseignements complémentaires, qui veulent vous faire un petit message ou qui ne savent pas se procurer le livre, comme ça ils peuvent aussi vous adresser une petite requête. Il a été publié en néerlandais aussi, je vois. Tout à fait. Comme ça devait être édité au moment de la reconnaissance du bouddhisme qui pour finir à traîner, il m'a paru important de l'éditer dans les deux langues pour pouvoir vraiment avoir une égalité aussi bien en français qu'en néerlandais. Bravo. Bravo. Muriel, dans quelques instants, s'exprime. Albert est toujours des nôtres, évidemment. Muriel, elle dit, moi, j'y connais rien. Voilà, je vous entends parler de philosophie bouddhiste et tout. Vous voyez que ça peut parfois faire encore un peu peur. Hein. Et Muriel, elle dit, mais comment je dois parler, moi, si j'ai pas tous les mots non plus? Mais vous allez voir, Muriel, on va vraiment vous rassurer. 3063, si vous souhaitez intervenir. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Vivacité présente la fête de la moisson à l'ancienne ce dimanche 28 août à Blarney. Voyagez dans le temps et découvrez les traditions et le savoir-faire de la paysannerie. Ferrage, charronnage, moisson à l'ancienne, ancêtres agricoles, marché fermier, dîner campagnard, groupe folklorique, soirée années 80. Ce dimanche 28 août à Blarney, entrée gratuite. La vie du bon côté. Et on met ce compte en effet du bon côté des vacances, puisque les vacances se poursuivent. Nous ne sommes que le 22 août. Mon corps est un palais, donc c'est son titre. Encore une fois, conte philosophiste bouddhiste, Barbara Dow en est l'auteur. Et on le sait maintenant, on l'a compris, les dessins, c'est vous aussi. C'est les couleurs aussi. Tout. Il y a beaucoup de couleurs, hein. Ouais, ça prend du temps de dessiner tout ça. C'est des crayons aquarelles, voilà. Après, le graphisme, le graphiste qui m'a aidée a fait aussi un très très beau boulot parce que certains dessins originaux étaient d'abord rectangulaires, donc il a fallu un peu les recouper, les recadrer. Et en fait, ils ont été faits en deux fois. Ils ont été faits une première, j'ai envie de dire les sujets, et la majorité ont été... en fait, quand j'ai vu le travail du maquettiste et qu'il commence à mettre des fonds, des calques, ce qu'on appelle des calques derrière mes dessins. Je dis, mais attends, mais tu vas pas mettre des calques tout faits ou des couleurs unies. Je vais dessiner moi-même les calques. Donc j'ai pris des feuilles de dessin et j'ai fait une vingtaine de fonds à l'encre de Chine avec différents matériaux. Je me suis amusée et je lui ai dit, viens. Donc on a superposé mes dessins les uns avec les autres. Superbe. Voilà. J'aime bien quand vous parlez des cinq sens. Hein, vous dites, tu as cinq très belles portes pour entrer et sortir de ton palais. Ces portes sont parfois appelées conscience. La première est celle de tes yeux, la seconde de tes oreilles, la troisième de ton nez, la quatrième de ta bouche et la cinquième, c'est celle de l'ensemble de ton corps. Par elle, toutes les merveilles de la terre peuvent entrer en contact avec toi. Muriel, visualisez-vous en train de lire cette histoire à vos enfants. Ils vont comprendre ça. Bonjour à vous, Muriel. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Barbara. Ils ont 7 et 11 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'en écoutant l'émission, ben ça donnait vraiment envie de lire ça avec eux. Comme je le disais un petit peu dans mon message, je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas, mais est-ce que ça peut les aider à être plus paisibles l'un avec l'autre? À moins, c'est pas qu'ils sont méchants, mais ils se chamaillent comme tous les frères et des sœurs. Des enfants, quoi, des enfants. Comme beaucoup de frères et sœurs. Oui. Et bon, parfois, on aimerait qu'il y ait quand même un peu plus de gentillesse, d'empathie entre eux, et moins de, et je ne sais pas si justement ce genre de lecture peut les aider à moins disputer. Oui, voilà. Oui. Ouais, à être plus serein. Plus serein avec eux-mêmes, avec l'autre. Ou peut-être à mieux comprendre justement les réactions qu'ils ont et à s'améliorer, quoi. Barbara. Alors, malheureusement, je ne pense pas que le livre en lui-même puisse arrêter les enfants de se chamailler. J'aimerais bien. Si ça pouvait être une potion magique pour les apaiser, ça serait génial. Le livre est avant tout un outil pour expliquer comment fonctionne l'esprit humain. Comment c'est à l'intérieur de nous-mêmes? Comment sont nos pensées? Alors, de là, on peut vraiment... le prendre comme un outil et dire, ok, les pensées que tu as sur ton frère ou les pensées que tu as sur toi-même, ben c'est jamais que des pensées. Et peut-être que tu peux le voir autrement et amener peut-être les enfants à un moment où déjà voir les belles qualités que l'autre a en lui. Ça, c'est la première chose. Donc, arroser les fleurs de l'autre, c'est vraiment regarder profondément dans l'autre. Qu'est-ce qu'il a de vraiment beau? Parce qu'il n'y a pas que les mauvaises graines, hein. Il n'y a pas que la jalousie ou la colère. Et puis, qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Qu'est-ce qui a fait que mon frère, il veut toujours regarder le programme que moi, je n'ai pas envie de regarder? Et puis, peut-être de le regarder avec un autre regard qui est celui de la compréhension. Parce qu'aimer, c'est avant tout comprendre l'autre. Mais c'est à nous, et là, j'en reste à Albert, qui est toujours là. Hein. C'est à nous, Albert, en tant que grand... De parler, enfin, elle le fait bien, évidemment, Barbara, mais de parler avec ces mots-là, Albert, c'est important. De nous important. Les rendre sereins en leur parlant comme ça. Tout à fait. En fait, on dit en bouddhisme que le simple fait d'être en vie et de respirer, c'est en soi l'état de Bouddha, c'est en soi déjà l'éveil. Donc voilà, il faut rendre les choses accessibles et il faut prendre conscience que un des grands principes bouddhiques, c'est le principe de la cause et de l'effet. Donc automatiquement, comme a très bien expliqué Barbara, si on comprend déjà le fonctionnement de son mental, le fonctionnement de sa vie intérieure, on peut planter des causes positives, on va récolter des effets positifs. Et comme elle explique avec les graines, comme elle explique avec les différentes consciences, ce qui est très important, c'est de pouvoir arriver à cette neuvième conscience, qui finalement est une énergie pure, on va dire. Et cette énergie pure va nettoyer les huit autres consciences. Et comment est-ce qu'on va nettoyer les huit autres consciences? Il y a plusieurs techniques. Alors là, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs tendances. Mais vous allez faire du sport, vous allez aller jouer avec des gens, vous allez communiquer, vous allez partager, vous allez développer l'altruisme. Et indirectement et inconsciemment, votre neuvième conscience va être purifiée. Pourquoi ? Parce que vous allez partager, donner et être tourné sur l'autre. Et vous allez briser les barrières de votre petit moi égoïste. Ça, c'est un beau discours. Et je trouve qu'en effet, parler comme ça à l'enfant, c'est quand l'enfant dort et qu'on ferme la porte, on se dit... Mais je me suis fait du bien, moi. Moi, je me suis fait du bien, finalement, en parlant comme ça, parce qu'à vous écouter, Barbara et Albert, waouh, c'est super beau. Voilà, Muriel, j'espère qu'on vous a évidemment rassuré par rapport à ça. Claudio Capeo, sur Viva, dans La vie du bon côté, avec Un homme debout, c'est le titre de la chanson. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, de parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Avec Un homme debout. Et ben voilà, nous en sommes à la fin de cette première émission de la rentrée. J'étais ravie en tout cas de me plonger dans ce conte philosophique bouddhiste. Notre corps est un palais, un conte au-delà, c'est vrai, des traditions et des religions, ça c'est sûr. Et à partager sans compter, on n'était pas du tout là pour faire de la propagande, c'était juste, si, propagande pour lire les histoires, pour raconter les histoires. Barbara, mot de la fin, c'est super quoi quand même. Je trouve que vous avez bien transmis le message, sans aucun problème. Le mot de la fin, ce serait, le bonheur, c'est contagieux. Ça, c'est un beau mot. C'est le mot de la fin pour vous, de l'émission, mais moi, c'est finalement le mot du début pour la rentrée. Merci, Barbara. Merci parce que votre page Facebook est sur la nôtre. Dans quelques instants, c'est l'émission Aller-Retour. Excellent après-midi à tous. À demain, bien sûr. Tout vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.